Ouais, c'est chaud. Très chaud. Mais c'est mieux que l'hiver, hein? Ouais. Qu'est-ce qui vous intéresse? Question? N'importe quoi? Numéro quoi? Moi, je vais voir pour tirer de la lune. Question sur quand on fait de la communication, que ce soit d'écriture, comment qu'on fait? Vous avez des bonnes questions. Vous étiez ici la dernière fois, hein? Oui. Bonne question. J'ai pas d'objection à répondre à des questions dans la salle, là, du moins que c'est des questions qui servent à tout le monde. Faut pas que vous me donniez des questions subjectives, là, puis... Vous prenez... Oui, bon, c'était quoi la question? Quand on fait de la communication, oui. Que ce soit d'écriture automatique, en tout cas, peu importe, oui. Alors, comment qu'on fait pour savoir si on se fait avoir ou pas? Oh, ça, c'est ma question. Premièrement, comme je l'ai toujours dit, faut que vous considériez le phénomène de la croyance. Quand on parle d'évolution, quand on parle de contact avec les plans, de contact télépathique avec les plans, de contact conscient avec les plans, quand on parle, je parle pas de médiumnité. Quand je parle de communication télépathique avec les plans, comme on fait nous autres, les hommes entre nous autres, la communication, c'est très important pour l'homme d'apprendre à ne pas croire. Pourquoi? Parce que la croyance nous assujettit à ces entités-là. Puis, pas croire, c'est difficile à apprendre, c'est difficile à comprendre parce que ça fait partie de notre culture. Avec le temps, on en arrive à ne pas croire, mais il nous amène à ne pas croire en détruisant, en nous créant énormément d'opposition. Quand l'homme vit un contact étroit avec les plans, il vit une sorte d'initiation solaire, puis dans cette initiation-là, les plans s'occupent pendant très très longtemps de lui créer de l'opposition, c'est-à-dire de l'amener à se libérer de la croyance, des systèmes de croyance, pour que l'homme puisse ajuster sa vibration mentale à sa propre lumière, autrement dit, savoir par lui-même, et non pas savoir en fonction par rapport aux autres. Il y a des niveaux de communication avec les plans qui sont utiles, dans le sens que tu peux les écouter, c'est intéressant, mais en général, c'est parce que ça ne nous touche pas de près. Mais quand ça nous touche de près, là, quand ce sont des choses qu'on veut, quand ce sont des choses qui favorisent notre égocentricité, qui favorisent notre corps de désir, il faut faire bien, bien attention parce que c'est là qu'ils travaillent. Puis, en ce qui concerne l'évolution, puis la conscience supramentale, c'est définitif que ça sera basé totalement sur un système de non-croyance. Parce que les plans travaillent à s'unifier avec l'homme, mais pas s'unifier avec l'homme dans le sens qu'il devient pour eux, leur esclave. Mais s'unifier dans le sens qu'ils deviennent un avec eux autres. Ça, c'est long. Puis ça demande une élimination complète de la naïveté. La croyance, ça fait partie de la naïveté. C'est difficile de ne pas croire quand on pense. Quand on ne pense pas, pas croire, c'est facile. Tu ne penses pas. Moi, je ne peux pas croire, je ne pense pas. Mais l'homme pense, donc croire, c'est difficile parce que ça fait partie de ses réflexes psychologiques, ça fait partie de la structure psychologique de son ego, ça fait partie des architectures de son moi. L'homme veut croire. Regardez simplement le phénomène OVNI par rapport à certaines personnes dans le monde. Les gens qui s'intéressent au phénomène OVNI, là, ils veulent y croire. Ils veulent y croire. Bon. Moi, je me suis toujours opposé à en parler parce que je ne veux pas que les gens croient à ça. Je ne veux pas que les gens se créent des phares. Il y en a assez de phares. Quand ils descendront dans la rue, on verra ce qu'on fera. Mais d'ici le temps-là, croire, ça, on sait ce que ça fait. Souvent, ça amène des gens à créer des sectes. Ça amène des gens à s'assujettir au niveau psychologique. Ça amène des personnes extrêmement sensibles à vivre des expériences paranormales au niveau du plan astral, qu'ils considèrent comme étant un phénomène ovni. Donc, croire, c'est très, très dangereux. Et d'ailleurs, croire, ça fait partie de l'évolution. Puis dans l'évolution, bien, l'homme sera amené à partir du plan mental à pas croire. Puis c'est pour ça que quand on fait d'écriture automatique, faut que ça soit faut que cette écriture-là soit très libre. Très libre, ça veut dire. Très libre, ça veut dire que elle doit être sous votre contrôle. Quand vous écrivez, faut que ça soit sous votre contrôle. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que faut que vous soyez capable de sentir que c'est vous qui écrivez et que c'est eux autres qui vous donnent l'information en même temps. Si vous n'êtes pas capable de sentir que c'est vous qui écrivez et que c'est eux qui vous donnent l'information en même temps, vous allez finir par faire une sorte d'écriture automatique, là, un petit peu comme ça. Supposons que vous allez écrire comme... ça va être là, là. Je suis dans l'impossibilité, comme ça. Tandis que si c'est... S'il y a une unité dans votre écriture, il y a une unité de conscience entre vous et le plan mental, vous pouvez même faire ça, puis l'information elle descend. Puis quand elle descend, cette information-là, tu n'as pas besoin de la croire parce qu'elle ne fait même pas partie de ta mémoire. Parce que quand vous faites l'écriture automatique, ça fait partie de votre mémoire, votre ego est là-dedans, c'est coloré, ça là. Ils vont vous informer selon ce que vous voulez, selon vos appétits, selon vos désirs, parce qu'ils vous connaissent, hein? C'est là qu'ils vous entrent. C'est là qu'ils vous entrent. Moi, dans un de mes livres que j'ai écrit là, dernièrement, il y a quelques années, là, je leur ai dit que je ne croyais pas ce que j'avais écrit. Qui m'avait donné comme dans une section du livre, il y a de l'information que je ne croyais pas. Bon. J'ai été forcé de l'écrire, l'information, de l'imprimer, l'information, parce qu'elle sert à un certain niveau, au niveau de, elle sert à un certain niveau dans le sens qu'elle elle permet de sortir l'homme de certaines conventions psychologiques face, par exemple, aux origines de l'humanité. Ça, c'est une chose. Mais par contre, je ne peux pas y croire. Puis je leur ai dit, je n'y crois pas. Alors, j'ai dit, comment ça se fait que j'écris un livre ou j'écris quelque chose dans un livre puis je n'y crois pas? Fait qu'ils m'ont répondu, bon, mais c'est nécessaire pour un certain... Pour certaines personnes, ça va les aider. C'est nécessaire que l'humanité pense comme ça, mais ultimement, l'homme va aller encore plus loin que ça. Fait que tu ne peux pas croire. Fait que quand tu fais de l'écriture automatique, puis il y a une expérience dans l'écriture automatique... Il y a l'expérience dans le sens qu'éventuellement, vous en arrivez à sentir, à le sentir, si c'est réel ou si il vous, ou il vous manipule. Puis ça, cette facilité-là de voir la différence entre la manipulation puis le réel, objectif de la communication, ben, c'est fondamentalement basé sur la transmutation de vos corps subtils. Comme vous, par exemple, vous avez une sensibilité intérieure, hein, mais vous avez aussi une grande soif de savoir. Votre soif de savoir, pour eux autres, c'est un terrain expérimental intéressant qu'ils peuvent utiliser pour vous amener, avec le temps, à prendre conscience du mensonge. Parce que chez vous, vous êtes une personne spirituelle, une personne spirituelle. Puis, il y a une certaine naïveté chez vous. Puis, ils vont s'en servir pour vous amener à une conscience mentale. Sans ça, vous aurez toujours une conscience astrale. Dans une conscience mentale, l'homme ne peut pas croire. C'est une condition fondamentale, la conscience mentale, d'ailleurs, de ne pas croire. Si on regarde l'évolution, autrement dit, le développement de l'ego dans la civilisation humaine depuis que l'homme est homme, tout était basé sur la croyance. Dans l'évolution, ça sera l'opposé, ça sera l'absence totale de croyance. Puis la croyance, elle a servi à quoi? Elle a servi au développement des idéologies dans le monde, elle a servi au développement, au maintien des religions, de certaines philosophies, de certaines sciences ésotériques, etc. L'homme doit être libre, il ne peut pas croire. Quand vous faites l'écriture automatique, il faut toujours que vous puissiez vous méfier de ce que vous recevez comme information. Là, vous allez dire, mais comment est-ce qu'on peut se méfier, puis comment est-ce qu'on peut avoir l'impression que l'information est juste? C'est dans l'expérience mentale, ça, vous allez voir. Vous ne prenez rien pour du cash de ce qu'il vous donne. C'est des menteurs nés, hein? ces débatteurs n'est pas dans le sens moral judéo-chrétien du terme, dans le sens de la désinformation. Si les plaies ne désinformaient pas l'homme, parce que c'est pas nouveau, ça, que l'homme est en communication avec les plaies, ça existe depuis des millénaires. Si l'homme avait été en communication avec les plaies, les voyants, les médiums, tous ces gens-là, les gens qui font du tarot, là, puis toutes les ce que j'appelle les bébelleux, là, ça fait longtemps qu'on serait très, très avancé sur la Terre. Très avancé. Les Chinois avec le culte des ancêtres, puis tout. Mais on n'est pas. Pourquoi? Parce que la croyance, ça fait partie du développement de notre ego, ça fait partie de notre insécurité psychologique. Donc le mensonge, c'est pour ça que le mensonge cosmique, le concept du mensonge cosmique qui a été rendu public en 1984, c'est un concept qui est fondé sur des très grandes souffrances. Très, très grandes souffrances. Donc, méfiez-vous. C'est intéressant. Ça vous permet de voir des choses, sentir des choses, percevoir des choses. Mais méfiez-vous toujours de ce que vous recevez d'informations. Puis, dans la mesure où vous ne croyez pas et que vous demeurez objectif à ce que vous recevez, à ce moment-là, ça pourra vous servir. Mais vous n'êtes pas supposé faire de l'écriture automatique dans un rapport d'infériorité. Autrement dit, s'ils me disent quelque chose, il faut que je sois capable de dire, bon, mais c'est ça ou c'est pas ça. Moi, pas de moment. Il faut que je sois capable de sentir la vibration, c'est ça ou c'est pas ça. Sans ça, j'ai plus de maîtrise, là. J'ai plus de... J'étais un yo-yo, là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que vous n'êtes pas supposé sentir d'infériorité par rapport... Autrement dit, ils ne sont pas plus intelligents que vous autres. Puis ça, c'est dur pour l'homme de comprendre qu'ils ne sont pas plus intelligents que nous autres. Parce qu'on a tendance à leur donner le pouvoir, on a tendance à leur donner l'ascendance. N'oubliez pas qu'on est des êtres religieux. Hein, ça ne fait pas longtemps qu'on est sorti de la judéo-chrétienté, puis la Sainte Vierge, puis le petit Jésus, puis le Christ, puis le bon Dieu, puis tout ça. Là. On vient de loin, disons, réellement de loin, puis ce n'est pas Saint-Anel. Laisse-moi vous dire. Donc, votre question est très bonne. Très bonne. Et nécessaire. Toujours vous méfier. Si vous ne vous méfiez pas, ils vont vous accrocher. Ils vont vous dire, ah, il te l'avait dit, hein? Pas comme ça, comme ça. Il te l'avait dit, il te l'avait dit. Il avait parlé à la conférence, ta. Ils sont belles, réellement belles. Question? Avez-vous d'autres questions? Madame? Le rêve, c'est de la manipulation de tabac. Non. C'est pas ça. C'est pas que ça sert à rien d'analyser. C'est très intéressant, les rêves. Très intéressant. Par contre, ça devient de la manipulation dans la mesure où ils vont dans la mesure où ils vont faire rêver ce qu'ils veulent pour vous faire vivre une expérience quelconque. Quand on vient de rentrer à l'intérieur de ça, là, je suis là-dedans présentement. Oui. Là, est-ce que c'est de la manipulation? Les guides, c'est des guidons. Puis ils ont du fun. Là, quand vous nous mettez tous nos défauts à la table, là, on ne pas que l'expérience va nous faire vivre. Vous mettre des défauts sur la table. C'est des illusions, ça. Les défauts que vous pensez que vous avez, puis comme les qualités que vous pensez que vous avez, c'est des illusions astrales. Pourquoi est-ce que vous auriez des défauts? Si vous me dites que vous avez un manque d'intelligence dans telle section de votre vie, dans telle zone, vous me dites pas de problème, là. Mais si vous commencez à parler de défauts puis de qualités, vous allez astraliser votre conscience, puis vous allez vous en trouver à gauche et à droite, puis ils vont vous en envoyer des carloads, des rêves. Ça sert à rien d'analyser ça, donc? C'est pas que ça sert à rien d'analyser ça. Regardez-les, vos rêves, mais faites-vous pas manipuler par ce que vous voyez. Parce qu'il y a bien des niveaux, il y a bien des niveaux où vous pouvez analyser un rêve. Les guides qui sont là-dedans, c'est... Les guides, c'est des guides. Bon, je vais faire le contact avec vous. Demandez donc s'ils veulent me parler. Tu n'as pas? Pas de réponse? Non, je n'ai pas de réponse. Demandez donc s'ils aimeraient me parler. C'est neuf. Demandez donc si je suis fin. Il y a rien que ça. Rien que ça, hein? Ça sent-tu? Y a-t-il des choses qui sortent des fois? Quand vous êtes chez vous? Ça, je vais vous dire une chose concernant les plans. Les plans, souvent les gens vont dire, ah, ben moi si les plans ne me parlent pas, les plans sont toujours ça parle du temps, les plans. Par contre, il y a des lois occultes qui s'appliquent aux plans. Par exemple, si je veux leur parler et ils ne me répondent pas, je les force à me parler. Je vais dire, sors de ton silence. Il va dire, qu'est-ce que tu veux? Sors de ton silence. Ils sont obligés de nous parler. Seulement, le problème, nous autres, c'est qu'on sait pas, on n'a pas de psychologie occulte, on ne sait pas comment ça marche, la relation entre nous autres et eux autres. Fait que, moi, si je veux savoir, si je veux leur parler, pour une raison ou une autre, je veux une réponse. Fait qu'à ce moment-là, je vais dire, bon, ben, sors de ton silence. Si je dis pas ça, sors de ton silence, il me parlera pas. Même si on utilise. Utilisez ça dans votre dialogue intérieur, sors de ton silence, vous allez voir, ils vont sortir, là. Ils vont dire, qu'est-ce que tu veux, je sais pas, là, ça dépend de vos personnalités. Ils vont dire, qu'est-ce que tu veux, là, ils peuvent dire, achète-moi pas, ils vont avoir toutes sortes de réactions, là, dépendant du plan où vous êtes, avec lequel vous êtes en communication. Si vous êtes en communication avec le plan astral, bien, vous allez parler avec des guides, là, ce que vous appelez des guides, moi je l'appelle les guidons. Puis si vous êtes en contact avec le plan mental, bien, vous allez être en communication avec l'ajusteur de pensée, mais c'est la même affaire. Ils jouent toutes les mêmes games. C'est pour ça qu'on est rendu au 20e siècle, on va sur la Lune, puis on n'est même pas dans la basse cour de la conscience humaine. Mène-toi. Fait que... M'en est là, s'il veut me parler. Il n'y a pas de pensée, Grille? J'essaie de voir le celui que je voyais. Ouais. Même pas me parler. Hein? Ils voudront pas vous parler souvent. Hein? Faites bien attention au guide. Parce qu'il y a des grands changements au niveau occulte sur la Terre. Hein? Il y a des grands changements dans le sens que l'homme commence bien à être très, très intelligent des plans. Il y a des gens sur le plan matériel qui sont très, très intelligents des plans. Puis ça les dérange. Puis c'est connu, puis ça est su, puis c'est répandu. Puis les nouvelles se répandent vite. Fait que faites attention. Quand vous faites l'écriture automatique là, pour venir à vous, là, soyez pas naïfs. Allez-vous un guide, vous? Est-ce que ça vous placote-tu dans votre tête, des fois? Je l'ai envoyé. Vous l'avez envoyé? Comptez les mensonges. Ah oui? C'est bon. Faites bien attention à ça. Puis n'oubliez jamais que vous êtes naïf, hein? Fait que... bien naïf. Des grosses épaisseurs de naïveté. D'autres questions? Oui? Dans le dialogue intérieur, pour faire la différence, là, si on nous envoie des réponses niaiseuses, c'est automatiquement de la salle? Pas nécessairement. Même sur le plan mental, ils sont niaiseux. Puis, le niaisage, souvent, c'est pour vous éveiller à une réalité. Ça dépend de ce qu'ils veulent faire. On a toutes des relations différentes avec eux autres. Quand tu es bien, bien conscient des autres, ils n'ont pas tendance à te niaiser parce que tu es vous venez. Et quand vous êtes en voie d'expérience, ils vont faire n'importe quoi pour pour... Ça m'amène à douter, moi, à ce moment-là. Ah, mais ça sert. Ça vous amène à douter, puis ça vous amène à dépasser le doute. C'est comme ça que ça marche. Okay. Fait que c'est pas important que ce soit niaiseux ou pas niaiseux, ce qu'ils vous disent. Ce qui est important, c'est que vous fassiez pas prendre dans la niaiserie. Okay. Ils peuvent aussi bien vous dire, t'es bien sans dessin. Je vous donne l'exemple. Bien sans dessin. Ou ils vont dire, je suis bien sans dessin. Ça, c'est leur truc favori. Ils vont pas dire t'es sans dessin, parce que là, vous allez voir que c'est eux qui vous parlent. Mais ils vont vous envoyer, je suis bien sans dessin. Mais si t'envoies, je suis bien sans dessin, tu devrais être assez conscient. Dis que si tu me dis, je suis bien sans dessin, pas là, tu comme du monde, là. Tu sais? Parce que la pensée, dans le fond, ça vient d'ailleurs. Puis après ça, ben, ils vont voir que vous voyez clair, puis c'est comme ça qu'éventuellement, vous allez vous libérer de ça. C'est pour ça que l'affaire des qualités puis des défauts, là. Ça vient toujours d'eux autres. Fait que s'ils disent, bon, ben, je suis paresseux, je suis jaloux, je suis si. L'ego, lui, il pogne ça, il prend ça pour du cash. Surtout les jeunes, les enfants qui grandissent, là, puis qui se font coller des catégories psychologiques comme ça, là. Souvent, ils vivent ça avec ça toute leur vie. Probablement la plus grande découverte sur la Terre des fondamentales de la psychologie humaine, c'est la réalisation, sur le plan occulte, que le « je » n'existe pas. Le « je », c'est une fabrication mentale par les plans pour donner à l'homme une conscience égoïque. Si l'homme est dans une conscience mentale, il n'est pas capable de penser « je ». Moi, si je penserais je dirais, parle-donc comme du monde. Vous voyez les différences, là? Mais moi, j'ai beaucoup d'expérience avec eux autres, là. Fait que, tu sais. Mais ça revient à ça. Puis un jour, l'homme réalisera ça, que le je, c'est une construction fictive par les plans pour permettre à l'homme de développer une conscience égoïque. C'est comme ça que l'homme, pendant l'évolution, a développé un égo. Fait que tu te fais dire je dans ta tête, un jour, tu y crois que c'est je qui parle. Mais, bon, s'identifier, mais tu n'as pas besoin de t'identifier en je, tu t'identifies dans ton moi. On a tout notre moi. Moi, j'ai mon moi, vous avez votre moi. Mais le je, c'est simplement une structure psychologique utilisée par les plans pour créer une conscience égocentrique, alors que le moi, ça fait partie de ce qui vous appartient. Vos sens, vos émotions, les pensées, votre vitalité, ça, c'est votre moi, c'est votre réalité matérielle. Que quand on se parle, quand on se crée un dialogue intérieur, on est toujours en contact avec les autres? Tout le temps. Puis plus vous le réalisez, puis plus c'est objectivé, mais plus vous avez une conscience télépathique. Puis à ce moment-là, mais là, ça devient intéressant là, de faire des créatures automatiques, parce qu'à ce moment-là, bien, c'est il n'y a plus de taponnage. Est-ce qu'on a besoin de cette forme-là pour avoir les réponses? C'est un bon moyen de commencer. C'est un bon moyen. Il y a des gens qui ont beaucoup de voix intérieure, parce qu'il y a des gens qui sont très spirituels, très évolués, en tant qu'âme. Mais il faut qu'ils arrivent éventuellement à mater les guides. Il faut que ça se mate, les guides spirituels. Ça peut être bien con. Quand tu as un guide spirituel, tu as 60 ans, puis tu as un guide spirituel, tu as un petit gars de 12 ans, tu sais. Bon, mais ça fait partie des liens karmiques, ça peut être votre petit frère, ça peut être qui est mort, ça peut être compliqué de l'autre bord, l'affaire. Hein? Faut que l'homme sache tout concernant l'invisible. Mais pour le savoir, pour accéder à tout, mais faut qu'il soit en dehors de l'illusion de son moi. Le livre que j'ai écrit, là, j'avais appelé ça en anglais « Beyond the Mind ». Pourquoi j'ai appelé ça « Beyond the Mind » ? C'est parce que, ultimement, la conscience humaine va au-delà de l'intellect. Ça se passe tout là. La télépathie, la voyance, l'étude du matériel ou des plans, l'étude de la vie, la compréhension de la vie, la compréhension de soi-même, les illusions des qualités et des défauts. Imagine-toi une petite heure là, qui sort du couvent, là, qui vient à mes conférences une fois, là. Elle va retourner chez eux pas mal polarisée. Elle va avoir des problèmes, mais qu'elle retourne dans sa cellule. Mais elle va commencer à évoluer. Elle va se déculpabiliser. Elle va vivre toutes sortes de choses. Puis là, ils vont rentrer dedans. Puis ils vont utiliser n'importe quoi. Si elle est bien religieuse, ils vont utiliser tous les protocoles d'entente qui ressortent la chrétienté, la judéo-chrétienté. Ce qui est moral, ce qui est immoral, d'après la chrétienté. Ce qui est sacré, d'après la chrétienté. Je vous ai déjà dit, le mensonge, dans ma définition à moi, le mensonge, c'est la retenue de l'information. C'est pas dans le sens moral. De la retenue d'information, c'est du mensonge. Par contre, s'il n'y a pas de retenue d'information dans la conscience de l'homme, l'homme peut avoir une très vaste conscience. Parce qu'il n'y a pas de retenue d'information. Tu veux savoir quelque chose? Pop! Mais si l'homme n'est pas prêt, parce que l'homme n'est pas transformé au niveau émotionnel et au niveau mental, pour recevoir de l'information créative, à ce moment-là, ben, ils vont la retenir, l'information, donc il va y avoir du mensonge. Donc, l'homme va passer de la croyance, éventuellement, à l'absence de croyance. J'ai pas dit l'incroyance. L'incroyance, c'est une forme de croyance à l'envers. L'absence de croyance. Fait que... Il dit, quand vous pensez, il dit, on est toujours là, malgré que, même si vous ne le savez pas, on est toujours là pour tester, pour voir si vous pensez ou si vous parlez. Puis la plupart des hommes sur la Terre pensent. Fait qu'ils n'ont pas grand, ils ont pas grand dialogue avec l'homme sur la Terre. Ça commence, là. Mais avec le temps, il va, après avoir testé suffisamment, l'homme, il va parler, il ne pensera plus. Mais quand tu es rendu là, puis tu reçois de l'information... L'écriture automatique, là, c'est plus... T'es plus dominé par l'information, là, parce que t'es capable d'être... T'es capable de faire l'avocat du diable. Ce qui sort, là, c'est ce que tu considères intelligent qui sort. Mais avant ça, on n'est pas capable de faire la séparation de la connaissance, parce que nos archives sont pas suffisamment désastralisées. Si nos archives mentales étaient très désastralisées, ça serait très facile pour l'homme de savoir, puis eux autres de communiquer. Puis ça devient un, ça, cette affaire-là. Fait quand ça, c'est bien unifié, bien, tu as une conscience en fusion, là, puis ce qui est en haut est en bas, c'est tout. Avez-vous d'autres questions intéressantes? Il y a une allez. Quand tu vois tous les grands chefs d'État qui vont... faire une rencontre avec le pape. Oui. Que vous dites, c'est quoi votre question, là? Ce que je comprends pas, tous les grands chefs des oui, pays oui, oui, oui. vont voir le pape oui, oui. pour... Ça n'a rien à faire avec la conscience. Ça n'a rien à faire avec la conscience. Pardon? Ça n'a rien à faire avec la conscience. Le pape, ça n'a rien à faire avec la conscience. Le pape, c'est un homme religieux, politique. Ça n'a rien à faire avec la conscience. La conscience, ça, c'est un autre pied de manche. Si le pape est ta conscience, ça n'est pas pape. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. C'est sûr. Des grands chefs d'État, c'est des petits hommes. Des grands chefs d'État, c'est des petits hommes. Si le pape est ta conscience, puis catholique, hein? Ça serait fière religion. Oubliez ça, hein? Les problèmes d'abortion, ça sera réglé vite, vite, vite. Puis les problèmes d'euthanasie, ça sera réglé vite, vite, vite. Les problèmes de cloning, ça sera réglé vite, vite, vite. Mais ça fait partie de l'expérience dans la Terre, l'évolution de la Terre. Le pape est nécessaire dans le monde, tu sais. Les grands hommes politiques sont nécessaires dans le monde. Mais l'évolution, c'est long, l'évolution. Quand on parle de conscience, c'est totalement individuel. Ça n'a rien à faire avec la conscience collective, ça. Oubliez ça, la conscience collective. Fait que ces grands hommes-là, le pape, puis on a un grand pape, c'est un grand pape, il a fait de grandes choses. Puis les hommes politiques, les grands hommes politiques, c'est des êtres qui sont avancés, mais c'est pas des êtres conscients. Le conscient, là, ça veut dire en télépathie, en mode télépathique avec le plan mental. Ça, c'est conscient. Conscient, ça pense pas. Ça parle avec. D'autres questions? Oui, madame? La quoi? La Merkaba. La Merkaba? Oui. C'est quoi ça? La Merkaba. C'est pas grave. La Merkaba, c'est pour notre véhicule. Notre véhicule de village. C'est nous, finalement. Ouais. Ça ressemble à la mer à boire. Qu'est-ce que je vous dis, ça? Pardon? Vous voulez quelque chose d'intelligent? Le véhicule de lumière de l'âme, c'est un corps moronciel. Appelez ça le Merkaba, la mer à boire, ça n'a pas d'importance. C'est un corps moronciel, c'est un corps d'énergie. Ça fait partie de la conscience mentale de l'homme. Éventuellement, ça va être. Éventuellement, quand l'homme va en arriver à être suffisamment évolué sur le plan matériel, l'homme va pouvoir se servir de ce véhicule-là au lieu de se servir du véhicule astral pour sortir de son corps. Donc à ce moment-là, bien, l'homme va entrer en conscience moronciel, puis il n'aurait plus besoin de revenir sur la Terre en incarnation. Ce corps de lumière-là, c'est un corps moronciel dans le sens que c'est un corps qui est fait d'énergie qui n'appartient pas au passé. Il n'y a pas de mémoire dans le corps moronciel. Il y a beaucoup de mémoire dans le corps astral. Mais dans le corps moronciel, il n'y a pas de mémoire. C'est la lumière pure, pour que l'homme en arrive à pouvoir être traité avec ce corps-là, utiliser ce corps-là, vivre, si vous voulez, de ce corps-là, au niveau du plan mental, il va falloir qu'il transmette beaucoup de son émotivité, autrement dit, sa conscience subjective, parce que c'est un corps qui est très puissant, autrement dit, c'est une vibration qui est très forte, c'est une vibration qui est très, très harmonisée au corps mental, dans la mesure où l'homme est capable de vivre une conscience suffisamment dégoïfiée. S'il y a trop d'ego, autrement dit, s'il y a trop de conscience subjective, mais comme ce corps-là, ce corps de lumière-là, est astralisé, dans le sens que ça permet à l'âme d'avoir une conscience spirituelle, mais ça ne lui permet pas d'avoir une conscience mentale. C'est le corps par excellence de lumière de l'homme. C'est l'assommation totale de sa conscience, puis c'est aussi la réunion de deux principes, autrement dit, son principe mortel puis son principe universel. Pour en faire la connexion, l'homme va en faire la connexion à partir du moment où il va prendre conscience mentale, parce que en prenant conscience mentale, le corps de lumière commence à vibrer. Puis en vibrant, mais l'homme devient de plus en plus conscient du caractère unique de sa conscience. Puis il devient conscient du caractère unique de sa conscience, mais plus il rentre dans cette lumière-là, dans ce corps de lumière-là, puis plus ça fait partie de sa deuxième vie sur le plan matériel. Puis éventuellement, il y a un équilibre là, qui s'établit au cours des années. Puis éventuellement, il en arrive à pouvoir vivre en très, très grande proximité avec cette lumière-là, mais en même temps, ne pas l'astraliser. Et ça, c'est la situation idéale de l'homme de l'évolution. L'homme en évolution, l'homme de demain, appelez ça comme vous voulez, aura conscience vibratoire de son corps de lumière. Par contre, l'homme ne peut pas vivre trop de ce corps de lumière-là au niveau du corps astral, sans qu'il se fait débalancer au niveau de sa vie matérielle. Fait qu'il faut que cette énergie-là soit vécue en retrait, ce qui veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'imagination spirituelle. Mais cette imagination spirituelle-là, elle s'éteint graduellement, petit à petit, au fur et à mesure où il rentre en conscience télépathique. Mais c'est difficile d'éliminer la spiritualité chez l'homme parce que ça fait partie de la mémoire de sa conscience astrale. Puis c'est pour ça que le travail qui est fait par les plaies au niveau de la conscience, au niveau des systèmes de croyance, au niveau de la naïveté spirituelle de l'homme, c'est très important. Puis c'est pour ça que ça ne peut pas être fait par l'homme. Il faut que ça soit fait par en dedans. Autrement dit, l'homme nouveau, l'homme conscient, l'homme de demain, sera transmuté à partir de ses propres forces intérieures. Tu peux avoir des hommes qui viennent de l'extérieur pour apporter de l'information, mais c'est par en dedans que l'homme. Puis il n'y a pas d'effort là-dedans. L'effort, ça fait partie de l'ego. ça fait partie d'une recherche personnelle. La recherche personnelle, c'est encore une recherche spirituelle. Ça fait encore partie des besoins de l'âme. Alors que supplémentaire, puis en relation avec ce corps de lumière-là, l'homme n'a pas besoin de se rechercher parce qu'il devient de plus en plus stationnaire dans cette énergie-là. Donc, éventuellement, tu ne fais plus de recherche. Tu es fixé dans ton énergie, puis elle te sert supplémentaire, elle te sert aussi pour conserver l'équilibre de tes énergies émotionnelles dans la vie par rapport à des expériences que tu vis. Puis elle te sert aussi à te mettre en communication télépathique avec eux autres sans pour cela les spiritualiser. Pour le corps émotionnel, en faire un nettoyage, une purification. Si vous faites une purification de votre corps émotionnel, vous allez vous spiritualiser. En vous spiritualisant, vous allez astraliser votre énergie. Puis si vous l'astralisez trop, éventuellement, vous allez perdre le goût de vivre, vous allez perdre votre sexualité, vous allez perdre le goût de travailler, vous pouvez tomber dans des états mystiques. Autrement dit, vous allez perdre ce que j'appelle la fonctionnalité de votre ego. Donc, votre moi, lui, il faut qu'il soit fonctionnel. On est sans terre. On doit être capable de rock'n'roller sans terre, si on veut. Mais si on est trop spiritualisé, là, tu ne veux plus rock'n'roller, tu ne veux plus jouer au golf, tu ne veux plus jouer au ping-pong, tu ne veux plus faire la montre, tu ne veux plus travailler, il y a bien des choses que tu veux plus faire. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de séparation entre le corps astral et le corps mental. Fait que c'est ça le problème de la spiritualité. Ça a été le problème de l'évolution, ça demeure aujourd'hui encore, mais un jour, l'homme ne cherchera plus à se déspiritualiser. Ils vont le faire pour lui. Mais là, ça va être un autre pire de manche, par exemple. Parce que quand ils te nettoient, eux autres, ils te passent à la Jax, dans le sens que t'as pas d'espace. Là. Au niveau de ton ego, tu n'y peux rien. C'est pas toi en tant qu'ego qui dis, bon, ben je vais aller aux Indes, là, ou je vais aller dans un groupe quelconque, là, me déspiritualiser. Parce que quand tu vas aux Indes ou tu vas dans un groupe quelconque pour te déspiritualiser, tu t'as spiritualisé, anyway. Tandis qu'eux autres, ils vont éventuellement te couper ça, puis ils vont travailler sur l'homme entre lui et eux, simplement. Puis le travail va se faire à partir du plan mental. Il va se faire à partir de la transformation de la conscience de la pensée. Parce qu'un homme, faut que l'homme en arrive un jour à savoir ce que c'est de la pensée. Pas être la vivre en tant qu'ego, mais la connaître en tant qu'architecture du mental, mais très, très astralisée. De sorte qu'elle lui donne l'impression d'avoir un jeu. Quand tu as un jeu, ben, tu veux spiritualiser, tu veux jouer au hockey, tu veux devenir un grand succès dans la vie. Il y a bien des affaires que tu veux faire quand tu as un jeu. Mais quand c'est enlevé, ce jeu-là, autrement dit que tu ne l'as plus en tant qu'architecture mentale subjective, que tu as simplement un moi créatif, à ce moment-là, tes priorités peuvent changer. Mais tu vas être suffisamment balancé éventuellement pour pouvoir jouer au hockey si tu veux, pas jouer au hockey si tu ne veux pas. Mais c'est sûr que tu cherches le plus à te spiritualiser. Parce que l'homme conscient n'est pas intéressé à être conscient. Quand tu es intéressé à être conscient, là, ça c'est spirituel. Ça c'est ta spiritualité, c'est une grande qualité. Mais un jour, il nous brûle ça. C'est pas ce que je disais souvent dans le temps. Moi. Quand tu es conscient, la seule chose que tu vis, c'est la paix. Puis pas la paix du Christ. La crise de paix. C'est une différence dans la vibration. D'autres questions? Madame? La non-croyance. L'incroyance, c'est l'envers de la croyance. La non-croyance, c'est l'absence de croyance. L'absence de croyance. Quand tu n'es pas capable de croire. Pas parce que tu ne veux pas. Tu n'es pas capable. Tu n'as pas les mécanismes intérieurs là, pour croire. Ils ont été brûlés, éliminés. Parce que la croyance ou l'incroyance, c'est simplement la forme opposée l'une de l'autre. Le côté positif, le côté négatif. Tandis que l'absence de croyance, c'est la synthèse de ces deux-là. C'est l'élimination. Ça ne dépend pas. Quand même, vous me direz, Bernard, viens chez nous, là. Il y a des phénomènes parallèles que je vis dans ma cuisine. Le téléphone, il se décroche, puis il sonne tout seul, puis il se raccroche, puis je ne serais pas capable de le croire. Peut-être que je dirais, bon, je vais y aller chez vous, là. Je vais aller voir votre téléphone. Mais je ne pourrais pas le croire. Mais quand je vais arriver chez vous dans votre cuisine, puis je vais avoir votre téléphone qui s'accroche, puis qui se décroche, puis qui signale tout seul, là, je vais m'arranger pour que ça arrête. Comment ça? Mais le croire, ça, c'est m'assujettir à votre croyance. ne peux pas m'associer avec à votre croyance, même si vous dites quelque chose que c'est ça. Du coup, c'est pas ça. Tout d'un coup, vous êtes bien, bien débalancé au niveau astral. Je ne parle pas de vous, là, mais supposons que vous êtes bien, bien débalancé au niveau astral, puis votre corps astral est tellement débalancé qu'il voit le téléphone s'accrocher puis se décrocher, qu'il l'entend sonner puis dessonner. Moi, j'ai un de mes chums en Californie, je me rappelle, lui, il allait manger chez Big Boy, là, un gros sundae avec une fraise dessus. Puis il me disait, pshh, parle pas. Il m'entend. J'ai dit, qui c'est qui t'entend? Il dit, le FBI, il m'écoute. J'ai dit, où? Il dit, là. Il dit, regarde, là. Tu sais, une presse en dedans des microphones, hein? Il dit, regarde, là. Fait que la presse, c'est un microphone pour lui. Fait qu'il m'a dit, s'il aurait fallu que je croie à son histoire, que le FBI l'écoutait à travers la presse, je serais pas ici aujourd'hui, hein? Tu comprends, je veux dire? C'est là que j'ai coupé mes liens avec. J'ai dit, oups, c'est trop ésotérique pour moi, ça. Mais pourtant, pour lui, c'était réel. Tu peux pas croire. Ça fait 30 ans que j'explique ça. 30 ans. Puis il y a du monde aujourd'hui qui commence à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, pas croire. C'est pas une attitude. Je dis, ah, oh, ben, je croirais pas. C'est le mental qui change. T'es plus capable de croire. Moi, j'en entends des histoires. Il y a du monde qui m'écrive des lettres. C'est peut-être que je croie tout ce que les gens m'envoient. Je te jure que... Pourquoi? Et l'absence de croyance, ça va être la fondation psychologique du nouveau moi dans l'évolution. Surtout eux autres, les croire eux autres, t'es fait à l'os. Ils te connaissent, ils peuvent te raconter n'importe quoi. Oubliez jamais qu'on est très, très, très, très, très grand. Moi, je me rappelle en 69, quand j'ai vécu ma vision, je leur ai demandé, j'ai dit, jusqu'à quel point on est ignorant? Ils ont dit absolument. Ça m'a réglé mon cas pendant 30 ans. Absolument. J'ai écouté avec eux autres, mais, tu sais, j'écoute encore. Moi, j'écoute encore. T'as-tu écouté jusqu'à temps que je meurs? J'ai le numéro. D'autres questions? Oui? Alors, si le plan astral, il y a des illusions, c'est illusoire. Dans le haut astral, il y en a qui guérissent avec la... Ça n'a pas l'important. C'est des karmas. Il y a des gens qui vont vous guérir, ils vont vous mettre le doigt sur le nez, puis tu vas tomber en terre, puis il y a du monde qui font tout ça l'affaire. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans le monde. Ah, c'est pas illusoire, ça fait partie de leur karma, ça peut servir. Moi, il y a des gens que je connais qui guérissent, puis je vais dire, bon, allez voir cette personne-là, ils vont vous aider. Ils ont la vibration pour le faire, ils ont le karma pour le faire, guérir l'humanité, c'est leur job. Qu'est-ce qu'ils ont fait de notre vie pour gagner ça, je ne sais pas. Ou je peux le savoir. Mais quand tu es obligé de pas officier ta vie à guérir le monde, là, c'est parce que tu as dû faire des petites conneries dans le passé. T'sais. Fait que tu as un karma à vie. Fait que dans ce temps-là, comme ça sert, ben, je veux dire à des gens, bon, ben, allez voir cette femme-là ou allez voir ce monsieur-là, puis ils vont vous aider. Puis ces gens-là les aident. Puis ça fait partie des aspects bénéfiques du plan astral sur la Terre, ce que vous appelez les guides spirituels. Ces gens-là ont des auras très, très magnétiques, puis ils peuvent faire des choses que nous autres, on n'est pas capable de faire. Mais s'ils te guérissent. Oui, ouais, tu vas en voir, puis il y en a qui vont te guérir, puis il y en a d'autres qui ne guériront pas, ça dépend des individus. Moi, si je vous envoie à quelqu'un, en général, ils vont vous aider parce que je les check bien gros avant. Fait que... Mais ça, c'est des services à l'humanité que ces gens-là rendent. Ça, c'est merveilleux. Mais c'est un karma, ça. Regardez. Il dit, quand vous avez quelque chose, il y a toujours un prix pour. Il y a eu un prix pour. Fait que tu guéris, il y a un prix à payer. tu payes le prix. C'est le karma. Il y a le karma. Si t'as fait des conneries dans une vie antérieure, mais tu reviens et t'aides l'homme. Fait que ces gens-là sont utiles. C'est qu'il me disait la semaine passée, je parlais à un anglais, c'était intéressant le jeu qu'il jouait sur la forme. Il disait c'était quoi la forme? Il ne veut jamais se répéter, là. Il a la tête de cochon. En tout cas, ça revient d'autre là. C'est intéressant. En voulant dire, c'est comme s'il disait, un saint homme, ce n'est pas nécessairement un homme conscient. Puis un homme conscient, ce n'est pas nécessairement un saint homme. Moi, je ne suis certainement pas un saint homme. Fait qu'un saint homme, ce n'est pas nécessairement un homme conscient. C'est un homme spirituel qui fait partie de l'évolution. T'as 16 ans. Tu donnes la bénédiction sans confession. Mais moi, tu peux pas donner la bénédiction sans confession. Sans confession. Je peux te jouer des taux. Je suis pas un saint homme. Mais je suis conscient. Je voudrais jamais être un saint homme. C'est plate. Puis on veut tout être des saint homme. Il dit à Saint-Homme, c'est un homme qui n'a pas fini d'être aveuglé. C'est ça, Saint-Homme. Mais il y en a des hommes sans terre, des Saint-Hommes, des Saintes-Femmes. Mais ça n'a rien à voir avec la conscience. La conscience, c'est l'opéra de marge. Puis supplémentaires, mais sont totalement anti-spiritualité. Parce que la spiritualité, ça fait partie de l'évolution. Ils disent que l'homme doit devenir intelligent. Pas spirituel, intelligent. Pas pareil, ça, là. La main était spirituelle. T'es pas nécessairement intelligent. D'autres questions? Oui? Il parle de la paix. La paix. Ça, c'est intéressant, la paix. Chaque être humain a sa paix. Ce qui est votre paix pour vous, c'est pour vous, pour un autre, c'est pour elle, bien l'autre. On a chacun, on sait ce que c'est pour nous autres, notre paix. Mais l'acquérir, la paix, là, c'est du stock. Parce que, pour en arriver à avoir la paix, il faut en arriver à avoir transmuté suffisamment notre astralité pour ne plus être manipulé par les autres. C'est du stock. Regardez dans votre cas. Ils disent que vous êtes une petite femme qui a peur de s'affirmer. Mais ça vous enlève de la paix. Ça, c'est avec le temps que ça vient. Pour en arriver à pouvoir vous affirmer, il faut vous en arriver à prendre conscience de vous-même puis réaliser que vous êtes intelligent. Puis que vous avez une volonté interne. Puis que vous êtes capable de vous déployer à volonté. Mais ça, c'est avec le temps que ça vient. Il y a des antécédents dans vos vies et dans nos vies qui enlèvent ça. Mais les antécédents, ça n'a pas d'importance quand tu es conscient. Tu sais, les psychologues, ils disent, ta vie aujourd'hui, elle dépend de ce que tu as vécu quand tu étais jeune. Ça, c'est vrai quand tu penses. Mais quand tu ne penses plus, c'est plus vrai. Quand tu commences à être conscient et à savoir comment ça marche, la conscience de l'homme, tu pars toujours de zéro. Fait que ce que tu as vécu n'importe quoi avant, ça c'est de la mémoire, tu pars de là, puis là, tu commences à grandir dans ta propre potentialité. C'est un petit peu de même, ça marche. Checkez ça, cette affaire-là. Puis ils vont vous tester. Vous allez toujours être testé dans la vie par rapport à des gens. Puis c'est comme ça que vous allez grandir. Ça, c'est bien plus important pour vous que d'autres choses, parce que en développant cette sorte de conscience-là, cette sorte de point d'appui solide, mais là, vous allez commencer à vous aimer. Puis de ça, bien, découle toutes sortes de choses. Comme ça que ça marche. Moi, je vous connais à cause d'eux autres. Mais vous, vous devriez vous connaître par vous-même. D'autres questions? Oui. Est-ce que l'énergie de la croyance contient l'incroyance en même temps? L'énergie de la croyance contient l'incroyance, dépendant comment est-ce qu'elle est polarisée. Puis, l'homme comprenait quand différentes facettes de cette énergie-là. Tu n'as pas besoin de les comprendre. Parce que quand tu es conscient, tu n'es pas intéressé à comprendre rien. C'est ça qui est intéressant, la conscience, d'ailleurs. Tu n'as rien à comprendre. Tu tournes le robinet, ça sort. Tu n'as rien à comprendre. Comprendre quoi? Comprendre, c'est réfléchir sur quelque chose. C'est réfléchir sur une valeur. C'est être encore attaché à des besoins de l'ego. C'est parce que toute énergie comprend, la même énergie comprend son contraire. C'est ça. Habituellement. C'est sûr. Puis on a de la difficulté, l'homme a de la difficulté. Parce qu'on est polarisé au niveau du mental. C'est ça, à dépolariser ça. C'est ça. Puis la croyance, bien, ça nous fait polariser ça. Ça doit être la même formule qui existe pour chacune de ces énergies-là. Bien, l'énergie se trouve polarisée quand c'est astralisé. Quand c'est plus astralisé, tu n'as plus de problème. Comme les autres, parlaient du... Comment vous appelez ça, votre mère à boire, là? Votre macabre, là? Il n'y a pas de polarité là-dedans, là, tu sais. Fait que dans cette énergie-là, tu n'as pas besoin de comprendre. Tu n'as pas besoin de croire, tu n'as pas besoin de ne pas croire, tu sais. Fait que tu es toujours libre. C'est là que tu as la paix de l'esprit. Mais si tu es en deçà de ça, ben, tu n'as jamais la paix d'esprit. La polarité de la conscience humaine, la polarité des énergies chez l'homme, ça fait partie des structures de l'âme, hein? L'âme est totalement polarisée. Totalement polarisée. Si tu vas dans le monde de l'âme, puis tu regardes l'âme en tant que architecture astrale, c'est très polarisé. Tu regardes l'âme au niveau du mental, au niveau de la tête, là, elle est très, très vibrante. Si tu regardes au niveau des pieds, elle est très, très, très calme. Si tu regardes vers le côté gauche, elle est totalement vibrante, mais elle est rouge-rouge. Si tu regardes du côté droit, elle est totalement vibrante, mais bleue. Fait que c'est toujours de la polarisation. Puis il y a un champ d'énergie très fort là-dedans, puis les entités, eux autres, rentrent là-dedans, puisent là-dedans, jouent avec ça, puis nous autres, on reçoit le tas, tu sais. La source de la polarisation, comme ça, elle est dans l'homme. La source de la polarisation est toujours au niveau des entités. C'est l'entité qui polarise l'homme, c'est pas l'homme. Un ego tout seul, ça pense pas, mais un ego s'est mis à penser. À partir du moment que tu as un ego, tu es en communication avec, l'écureuil chez nous, il pense pas, il n'y a pas de problème. Mais aussitôt que tu deviens un homme, tu penses. C'est ça qui fait que l'homme est homme, il pense. Mais pourquoi est-ce qu'il pense? Parce qu'il y a une communication. Mais il y a une communication avec le plan astral. Fait que sa pensée est réfléchie. Premièrement, on lui donne la notion d'un jeu. T'as pas besoin d'avoir la notion d'un jeu pour être. T'as besoin d'un moi, t'as ton moi. Si tu me donnes une plaque, je vais t'en donner une paire. Ça, c'est mon moi. Mais j'ai pas besoin d'avoir de jeu pour le faire. Mais ça fait partie de l'évolution, ça fait partie des trucs, ça fait partie des forces lunaires. Mais dans l'énergie solaire, dans l'évolution, dans la transmutation de l'homme, l'homme n'a plus besoin de ça. Fait qu'à ce moment-là, bien, le jeu, la pensée, ainsi de suite, la subjectivité, est transformée par de la communication. Puis à ce moment-là, tu n'as plus besoin de croire. Croire quoi? Puis ils veulent pas. Fait qu'ils vont travailler à ça jusqu'à temps que l'homme en arrive à une télépathie parfaite. C'est trop dangereux, croire. Regarde les millions de catholiques qui croient dans le monde, là, les témoins de Jéhovah, puis les mormons, puis tout le sept, sans parler des sectes. C'est abominable, la croyance. La croyance est à la base de la détérioration de la conscience humaine sur la Terre, et elle est à la base de la formation des cultures, des civilisations. C'est une abomination, la croyance. Ça va prendre des siècles, puis des millénaires, ça. Heureusement que c'est sur le plan individuel que ça va se transformer, jamais sur le plan collectif. Regarde ce que les Russes ont vécu en Russie. Communisme, socialiste. Les Chinois avec le culte des ancêtres. Nous autres, les catholiques avec l'Église. C'est abominable! La connerie institutionnalisée. Puis au-dessus de ça, ben, t'as quelqu'un de puissant qui s'occupe de faire vibrer ça, ces notions-là, parce que ça fait partie de l'ordre social. T'as des grands curés, des grands papes, des grands religieux, des grands politiciens qui s'occupent de... Puis ça fait partie de l'évolution. Ils ont leur rôle à jouer, ces hommes-là. Ces hommes-là ne travaillent pas au niveau de la conscience humaine, ils travaillent au niveau de l'inconscience humaine. Et l'ordre à l'intérieur de la conscience humaine. Quand tu parles de conscience supramentale, c'est un autre élément. Tu te détaches de la conscience de la race. Il n'y a aucune polarité dans le mental. Il n'est pas supposé en avoir. S'il y en a, tu n'es pas dans le mental peu. Tu es dans un mental subjectivé. Tu es dans un mental astralisé. Tu es dans un mental où eux autres sont capables encore de t'en passer des petites vites. C'est intelligent. Des petits vites. Fait quand tu vas travailler le jeu, tu deviens intelligent. Mais il y a un prix à payer. Le prix qu'on paye, c'est la souffrance de l'ego. Les petites réflexions de l'ego. Le gars qui souffre dans la vie parce qu'il n'y a pas de succès sur sa job. Le gars qui souffre dans la vie parce qu'il n'y a pas de sexualité et qu'il n'est pas prêt à faire l'amour à des femmes. La femme qui souffre dans la vie parce qu'elle n'a pas d'âme. On souffre pour toutes sortes de raisons. C'est un catalogue, ça. C'est un catalogue chez Sears. Ça, c'est sûr. Puis les gens, ils veulent se libérer de ça, fait qu'ils s'en vont dans des sectes, ils s'en vont dans des religions, ils s'en vont dans des systèmes d'apprentissage pour le développement spirituel. Puis ils changent simplement les meubles de place. Le but final de l'homme sur la Terre, c'est de morocialiser sa conscience pour ne plus revenir à la conscience astrale. Autrement dit, ne plus appartenir à la conscience de l'humanité. C'est pas vrai, un corps humain, mais tu n'appartiens pas à la conscience de l'humanité. Tu appartiens à une conscience universelle. Le reste des hommes, tu les laisses vivre, ils ont le droit de vivre. Tu dois respecter le reste des hommes. Question? Oui? Oui. Moi, j'aimerais savoir les jeux de pouvoir au sujet des interdits. Au sujet des interdits? Les interdits à quel niveau? Je vais vous donner un exemple. Moi, si dans mon enfance, on m'a interdit quelque chose, je le passe au... Donc, je vis de la culpabilité ou je vis de l'impuissance. Les désordres que ça crée, les interdits. Mais pas... Les désordres que les interdits créent sont à la mesure de votre croyance dans leur valeur. Tu n'as plus de valeur dedans, tu ne mets plus de valeur dedans, il n'y en a plus. Ça dépend toujours de la mémoire que vous avez, que vous utilisez, puis que vous maintenez. Parce que l'ego, il est très, très attaché à sa mémoire. On l'aime, notre mémoire. La fille a perdu son chum, mais elle aime ça, le voir dans sa tête, l'imager, voir les beaux soirs d'été qu'elle a passé dans le Chevrolet en arrière avec. C'est évident qu'elle va vivre l'impuissance et qu'elle ne veut pas rencontrer un autre gars parce qu'elle va dire, lui, il faisait l'amour avec moi à l'arrière du char, de Chevrolet, comme personne ne peut faire. C'est une illusion, tu sais. Fait que si elle continue ça, elle va arriver à 70 ans, elle va avoir la mémoire de son beau chum qui a vu lequel elle avait fait du necking dans le Chevrolet en 1912. Fait que votre impuissance, vos interdits sont toujours proportionnels à la valeur que vous mettez dedans. Puis la valeur que vous mettez dans quelque chose, c'est le degré de polarisation que vous faites dans votre conscience mentale subjective par rapport à n'importe quoi que vous vivez sur la Terre. Tout se dénoue dans la conscience de l'homme. Tout. Il n'y a rien qui ne se dénoue pas. Tout se dénoue. L'homme a le pouvoir de dénouer, pas de curer. Curer, il te noue le nounou, lui. Oui, il te noue le nounou. Mais toi, tu peux te dénouer. Ça. Déjà. J'ai rien dit. L'implant, ça. C'est une implant.